Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche, épisode numéro 2, consacré aujourd'hui au film Whiplash. Whiplash est un film sorti le 24 décembre 2014. C'est un drame musical réalisé par Damien Chazelle, qui est assez récent dans le monde du cinéma. Il n'a pas beaucoup d'historique, pas beaucoup de films à son palmarès. Comme acteurs principaux, on retrouve Miles Teller et J.K. Simmons. Miles Teller, vous l'avez sans doute déjà vu dans le film Projet X ou encore Divergente. J.K. Simmons, on le retrouve dans Spider-Man ou Juno. En personnage secondaire, on retrouve également Paul Schrader, qu'on a vu dans le film Alien le Retour, Ma vie avec les Barrens ou encore Le flic de Beverly Hills. Et un second autre personnage qui est Melissa Benoist, qu'on retrouve principalement dans les séries Glee et Homeland. Petite présentation du film avant que je vous partage mon avis à son sujet. Alors à savoir qu'il a reçu 4 prix, le Grand Prix et le Prix du Public dans 2 festivals, qui sont le Festival du film américain de Deauville, mais aussi le Festival du film Sundance, et qu'il a été nominé 11 fois, dont dans la quinzaine des réalisateurs de Cannes. L'histoire maintenant. Alors, ça raconte l'histoire de Andrew, qui a 19 ans. C'est un jeune batteur qui prend des cours au conservatoire de Manhattan et il rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Sauf que c'est un poste qui est très convoité et qu'il n'est pas le seul à avoir ce rêve. Et son objectif, pour commencer, c'est d'intégrer le fleuron des orchestres de l'époque, qui est dirigé par Terence Fletcher, qui est un professeur de musique très féroce et très exigeant avec ses musiciens. Et il se passe qu'un jour, Andrew est repéré par le chef d'orchestre Fletcher, et on va suivre toute sa formation avec ce professeur, qui va le mener à l'excellence. Avant d'entrer dans la salle, j'avais vu que ce film était très bien noté par la presse ou le public. C'est un sujet qui est assez peu traité au cinéma. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que la bande-annonce me faisait bonne impression, mais j'avais peur de m'ennuyer et que ce soit un sujet qui ne m'intéresse pas trop. Du fait que je ne suis pas musicien et j'avais peur qu'au fur et à mesure d'avoir de la batterie, encore de la batterie, toujours de la batterie, que bah au final on s'ennuie quoi, que ce soit toujours des boum boum boum et qu'on s'ennuie quoi. Voilà pour mon avis avant le film, on va passer maintenant à la sortie de la salle. Lorsque le film s'est arrêté, j'ai eu envie de me lever et d'applaudir. C'est un très très bon film, on voit pas le temps passer. Les deux personnages qui sont Andrew, l'élève de batterie, et Fletcher, le chef d'orchestre exigeant, sont très bien joués. C'est une relation très intense entre les deux tout le long du film. Elle est tellement intense qu'on en oublie tout leur environnement, c'est-à-dire tous les musiciens de l'orchestre, sa famille, et même la copine de Andrew, tous ces personnages-là qu'on voit quand même à l'écran assez régulièrement, mais ils sont tellement imposants et on les voit tellement à l'image, une personnalité tellement forte. Que les autres à côté, ils font ridicule, quoi. Ils font vraiment petits joueurs, quoi. L'acteur qui joue Fletcher est vraiment très très bon. Il a une gueule qui va bien avec le caractère du personnage. C'est un personnage très odieux avec ses élèves, qui n'hésite pas à les pousser dans leur dernier retranchement. Il est assez militaire avec ses élèves. Ça fait un peu penser ouais, à l'image d'un militaire devant ses soldats. Faut que ça file droit, ça marche à la baguette. Il n'hésite pas à humilier Andrew devant tout l'orchestre plusieurs fois et il n'y a aucune compassion avec ses élèves. Hein. C'est bien, tu restes avec moi, c'est pas bien, tu dégages, on en prend un autre, quoi. Tant pis pour eux, fallait être bon au moment où on t'a demandé. C'est Andrew doit donc bah il doit travailler sans relâche pour obtenir sa place et ensuite pour la garder et il fait montre d'une abnégation. Il pense batterie, il mange batterie, il vit batterie, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps et encore et toujours. Et il en met même c'est toute sa vie comme ça, quoi. Il plaque sa copine parce qu'il va perdre du temps avec elle et qu'il pourra plus s'entraîner pour la batterie. Il prend vraiment son objectif très à cœur et il cherche vraiment à s'améliorer et à faire en sorte qu'il soit le premier et qu'il réussisse. Surtout que Fletcher ne fait pas les choses très faciles, c'est-à-dire que c'est pas un professeur qui est ouais, tu joues bien, c'est bon, on te laisse comme ça et. Et c'est pas un professeur qui fait du genre t'es bon, tu restes, t'es pas bon, tu dégages. Il y a en plus le fait que même si t'es bon, il va quand même te pousser et essayer de te titiller pour montrer que même si t'es bon, faut quand même que tu restes meilleur et que tu t'améliores encore, quoi. Il n'y a jamais de parfait avec lui. Faut tout le temps s'entraîner. C'est ça. Faut tout le temps s'entraîner. C'est très très important pour lui. Faut pas oublier non plus la batterie, en plus de la relation entre ces deux personnages, qui a une place très importante dans ce film. La batterie qui se fait, oui, vous en entendez du début à la fin du film, quoi. C'est l'élément central du film. Forcément, c'est le thème du film. Mais ça devient, au début, ça devient un instrument de musique. C'est pour faire du bruit, pour accompagner un orchestre, un groupe de musique. Mais au final, ça en devient presque un instrument de torture, quoi. Tellement Fletcher est exigeant concernant la batterie, concernant le tempo, concernant toute la musicalité des morceaux, quoi. Ça lui tient très à cœur, quoi. Il en est même odieux avec ses élèves. Il en est tellement odieux qu'il va chercher à connaître la vie privée des élèves en étant gentil au début avec eux, en demandant qu'est-ce que fait papa, qu'est-ce que fait maman. Et puis au final, après, quand ça va pas, bam, il te ressort ça dans la gueule. Et forcément, c'est pas agréable, quoi, ça fait pas plaisir. Tout ça pour dire que c'est un très bon film, qui vous ennuierez pas. L'histoire est très intense, les deux personnages sont vachement bien, ils tiennent très très bien leur rôle, vous vous ennuierez pas du début à la fin. On assiste presque ouais, c'est un concert de batterie, quoi, du début à la fin. Les deux personnages sont très bien joués. Une fois sorti de la salle, j'avais presque une seule envie, c'était d'y retourner, parce que l'histoire passe presque au second plan parfois, tellement la musique est bien, quoi, est bonne. Et au final, je me suis pas ennuyé du début à la fin, quoi. Petite explication à propos du titre du film. Alors, à savoir que Whiplash, en anglais, ça veut dire coup de fouet. Donc, bah, dit comme ça veut pas forcément dire grand-chose par rapport à l'histoire, du film. Même si on peut penser que. Alors. C'est comme si Fletcher, pardon, donnait des coups de fouet à Andrew de manière fictive, hein, j'entends bien, mais en voulant toujours le pousser, lui donner le meilleur, c'est un peu ça au final, quoi. Ouais, il donnait coups de fouet, alors il l'humilie, il l'engueule presque, hein, mais c'est un peu ça. Mais il faut aussi savoir que Whiplash, c'est le nom d'un morceau de jazz sur lequel ils vont travailler durant le film. C'est le morceau principal du film, à mon avis. C'est un morceau, vous en avez entendu un extrait au début de l'épisode, et vous en entendrez la version complète à la fin de cet épisode. Voilà, j'espère que ce dernier nouvel épisode de À l'affiche vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours concernant que ce soit la technique ou même le contenu de l'épisode, ça me fera toujours plaisir. Alors, vous pouvez faire ça dans les commentaires PodCloud ou alors même via Twitter, vous faites un petit tweet. Alors, mon compte, c'est @oasis35. N'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Et donc, bah, on se quitte avec le morceau complet Whiplash. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine analyse de film. Salut!